J'habite chez Nevingen, un château dans la forêt. Le château du temps qui dure, un voyage qui ne s'arrête pas. Chez Nevingen, c'est ma lumière. La source est pure qui s'écoule.